La municipalité de Rivière-Eva se retire du projet de fusion avec les villes de Malartic et de Val-d'Or. Le maire, les conseillers municipaux et la directrice générale de Rivière-Eva se sont réunis hier en assemblée extraordinaire pour discuter du dossier. La semaine dernière, Rivière-Eva, Malartic et Val-d'Or demandaient à la Commission municipale du Québec de réaliser une étude sur les avantages et les inconvénients d'un regroupement. Jessica Lheureux est en studio. Alors, Jessica, pourquoi la municipalité de Rivière-Eva a finalement décidé de changer son fusil d'épaule? Bien, le maire de Rivière-Eva, Réjean Gay, soutient qu'il a été mal informé par les maires de Malartic et de Val-d'Or sur le projet de fusion. Réjean Gay maintient que les maires l'ont menacé de réaliser une étude sur les avantages et les inconvénients du regroupement des trois municipalités sans son consentement. Le maire de Rivière-Eva, Réjean Gay, ajoute qu'il veut écouter sa population. Il y a environ 70 à 80 citoyens de Rivière-Eva, mes supporters, autrement dit, ceux-là qui ont voté pour moi en novembre. Puis ils m'ont rappelé qu'en novembre, quand ils ont voté pour moi, s'ils ont voté pour moi, c'est parce qu'ils étaient contre la fusion. Là-dessus, c'est vrai que je suis aux citoyens, puis c'est vrai que je vais la respecter, ma parole, puis le conseil aussi va la respecter. Et qu'en pense le maire de Val-d'Or, Fernand Tran? Bien, il s'explique mal la décision des élus de la municipalité. Fernand Tran soutient pour sa part que la demande d'étude d'un projet de fusion provient du maire de Rivière-Eva, Réjean Gay. C'est assez rare au niveau de la politique municipale qu'un conseil unanimement prend une résolution et une semaine après défait cette résolution-là. Et moi, je suis déçu. J'ai toujours été vraiment honnête dans ce processus-là. J'ai embarqué dans ce dossier-là à la demande de Rivière-Eva, du maire de Rivière-Eva plus particulièrement. Et Jessica, est-ce qu'une étude sur le projet de fusion des trois villes sera tout de même réalisée? Bien, Val-d'Or et Malartic souhaitent poursuivre la démarche du regroupement, mais selon le ministère des Affaires municipales, il est impossible d'inclure Rivière-Eva dans l'étude si la municipalité refuse. Merci beaucoup, Jessica Lheureux.